J'essaye le guitare rythmique, mais y a pas de pêche. Y a un tap délai. c'est trop fort. J'arrive pas à régler. Des fois j'ai de la pêche, des fois j'en ai pas. Des trucs funk.